Autant malade de Harcourt de Guillaume Apollinaire, enregistré pour LibriVox.org. Autant malade et adoré, tu mourras quand l'ouragan soufflera dans les roseraies, quand de l'aura neigé dans les vergers. Pauvre autant, meurs sans blancheur et en richesse, de neige et de fruits mûrs. Au fond du ciel des éperviers pleins, Solénix ni sept aux cheveux verts et naines, qui n'ont jamais aimé. Aux lisières lointaines, les cerfs ont bramé, et que j'aime aux saisons que j'aime tes rumeurs, les fruits tombant sans qu'on les cueille, le vent et la forêt qui pleurent. Toute le lame en automne faille à faille, les failles qu'on foule, un train qui roule, la vie s'écoule. Fin du poème, enregistré par Emma Charlotte. Cet enregistrement fait partie du domaine public.